Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. My name is Dana. Moi, je suis Caril. And we would like for you to call in with any of your questions to the studio line while the music is playing. If you have any requests or comments, our number is 612-341-0980. Tonight we have a special program for you. Ce soir, c'est le 11 novembre, qui est un jour qu'ici en Amérique, on célèbre les anciens combattants. Mais à l'origine, c'était l'armistice de la Première Guerre. Et je crois que c'est encore fêté comme ça en France. C'est l'armistice. So it's Armistice Day in Europe. And in Europe, it's celebrated by post office closing. It's a national holiday to remember the veterans of World War I. And especially just taking time to remember that everything that people fought for their country and the great pact, the treaty that was signed on this day. And it's the 100-year anniversary of the beginning of World War I, actually. So we've put together a program of different songs that are all about World War I with so many different themes. So the battle and many other things. Oui, et aussi, faut dire que la Première Guerre était parmi les plus sanglantes. Il y avait tellement de civils et de soldats tués, des millions et des millions. J'avais le numéro ici, mais c'était affreux, affreux. It was one of the bloodiest wars we've ever had, with civilians and soldiers dying. The dans actual millions. Number, millions died during the war. Ouais. On both sides. The exact number, Carol has it written somewhere. She said she's going to tell, she has it in her notes. Eh bien, on va commencer avec Michel Sardou, qui va vous chanter Verdun, qui était une des plus grandes batailles pendant la Première Guerre. We'll start with Michel Sardou singing Verdun, which is one of the biggest battle sites in World War I. Alors, on va jouer deux ou une seule? Deux. Une pour commencer et puis on va suivre après. D'accord. Pour celui qui en revient, Verdun, c'était bien. Pour celui qui en est mort, Verdun, c'est un port. Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier, c'est du passé, dépassé. Un champ perdu dans le nord-est, entre Épinal et Bucarest, c'est une statue sur la grande place, finalement Verdun. Ce n'est qu'un vieux qui part. Même si l'histoire nous joue souvent, le mouvement tournant par Sedan, c'est du passé. C'est la chanson des partisans, c'est 1515, c'est Marignan. Dépassé. Une guerre qui s'est perdue sans doute, entre Biarritz et Knokke-le-Zoute, c'est une statue sur la grande place, finalement la terreur. Ce n'est qu'un vieux qui passe. Pour ceux qu'on n'a pas revus,

Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? All right, we just heard Jacques Brel sing about Jean Jaurès, and Jean Jaurès, we were just talking about him in the studio, was an anti-militarist. He was assassinated at the outbreak of World War I and remains one of the main historical figures of the French left, Les Gauchistes. So this great song is asking you, the youth of today, are you taking a look at the long shadow of history? Why did they kill Jean Jaurès? So interesting to think about on this Armistice Day, 100 years late after the bloodiest of battles. Any comment? Well, no, I just thought maybe those of you that didn't know, the French soldiers had to fight in the trenches. They were called les poilus. That means the hairy ones. And they're... Isn't there many great films? Les Poilus, there's some great film, or many French films. About World War I. We looked it up and we found 37 million casualties in World War I, 16 million deaths, and 20 million wounded. 16 million dead. That's, I suppose that's all sides, all nationalities. Right. And then there's a lot in the British sub-empire, India, casualties just across the whole globe. Yes. Well, the main ones were Kaiser Wilhelm, Kaiser Bill, and the Austria-Hungary Empire, too. But the whole world got involved. India and the Australia was in it, and there were many falling of many empires after World War I. It was a landmark in history. And it seems like it's been kind of forgotten already. It seems so far removed in the past. Well, I was thinking about who I know who would have been alive. I don't have that many relatives that were alive at that time. I mean, I have a great-great uncle, but I don't think that many of my immediate relatives served in World War I, and it's not talked about so much. The Americans didn't get into it till very late. In fact, we weren't considered among the Allies by some. We were called associates, but it was thanks to the American ability to crank up and build all the armaments and trucks and weapons that were needed in World War I as well as World War II. That we were able to overcome the enemies. One of the other ones that we heard too was Georges Brassens,

Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. Je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couchée sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort à la guerre, je venais d'avoir 19 ans, je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passa, je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris 3 amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Tous les 6 sont morts à la guerre. À la guerre que font mes amants, bientôt chez nous, il n'y aura plus guerre d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. All right, we heard Renaud, La Médaille. That's off of the album Le Plein de Super, Virgin Records, Virgin Music. That was sort of an anti-war song, mm-hmm. kind of unhappy about the idealization or glorification of war, I would say, from mm-hmm. the lyrics. And then Barbara, Veuve de Guerre, War Widow, from Barbara Grande Chanson. And qu'est-ce qu'elle a dit? What was she saying? We have to live, we have to drink, we have to die, and everyone dies. She was talking about how she lost her love who was in... He was only... Did she say it was in 1918 or... Or she was... He was 18. I think she was 19. She was 19 and he was in the war. Mm-hmm. And she was just sort of having lots of lovers drinking and partying after that, sounded like. And then at the end, everybody dies, so... Oh, sad. Very sad song. Vive de guerre. A little gossip I read recently where Renaud is having a difficult time emotionally. He's in deep depression. And his picture was, this was in Paris Match, which is not always the best reference, but they give all the dirt. And poor Renaud is having a very difficult time of it. All right. The next song that we'll go into will be the Mano. Mm-hmm. Uh-huh. L'avenir est un long passé. And they are... Celtic type of Western French area, Celtic French music on mm-hmm. their Panique Celtique album. And then followed by Cyan Super Crew, which are, their song is Rouge Sang, Blood, Red Blood, on their album Enfants Soldats, Children Soldiers, Here and Everywhere. It's a compilation CD of rap about children. C'est des rap. Yeah, rap of children that have to go to war. Mm-hmm. So, while the first song will be making reference to World War One, the second song just happened to be, there's a song we'll be playing later in the second hour that was on RFI's selection of French-only music. And while listening through that, I came across this Cyan Super Crew. Mm-hmm. And I really liked this song out of their selection, so. RFI is Radio France Internationale. We get lots of music from them. They send us

qui la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, j'ai mal, mal. En attendant, j'ai l'esprit de mon peuple court toujours à la dérive. Je décris le phénomène, ignore son origine ou encore la méprise. Je suis pas africain, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Un anti-aide souche n'existe pas, faut que tu piges. Même si ça te peine, accepte la vérité, y'a trop longtemps qu'on t'en prie. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang sur ce trottoir. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. Je suis là sans linge, là à prier le père de l'ange pour que ne plus jamais les corps s'allongent. Dans mon village, la famine est gourmande. Du pain, du fromage pour ma famille, c'est simple pourtant ce que je vous demande. Ici le sida pollue l'air, on meurt après avoir copulé. J'écris la douleur, mais seule la télé rend notre misère populaire. Je suis assoiffé et le verre qu'on me tend est troué. On fait fuir plus qu'on rapproche, faut croire qu'on n'est pas assez doué. En attendant, petite homme blanc, jadis pour qui te prenais-tu? Qui t'a dit que l'inconnu ne valait pas beaucoup plus qu'une laitue? J'ai entendu des frères me décrire tes horreurs, à croire que le colon n'a pas supporté les décalages horaires. Des généraux dégénérés, accueillant héros mais défiant les dieux qu'ils vénéraient, volant l'or qu'ils généraient. J'ai vu ces douloureux cortèges, ces reportages d'un peuple en guerre, à l'histoire basée sur un dilemme de partage. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ce trottoir. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, j'ai mal à l'âme, les médias restent calmes, alarme les que toute l'Afrique est laminée. En attendant, j'ai cessez de rêver, ce monde aussi entre rouge et vert, des rivières d'argent coulent et recouvrent ses dérives. La cause est ancienne, mais les faits actuels, l'essentiel n'est plus la tuerie d'hier, mais les faits. Ma terre natale, éternelle, dernière à table, souffre, j'écrirai ces mots. Jusqu'à point de souffle. En attendant, j'ai la même langue, les mêmes habits, mais que nenni oh. Alors pour toi, je cours et joue pour paraître fort et beau. Chaque jour, je coule des larmes, couleur de ton drapeau. Bleu sur ma peau, blanc sur mon dos, rouge sont mes yeux. D'hier à aujourd'hui, rien de nouveau. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ce trottoir. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, en attendant, je en attendant, j'ai All right, we just heard Cyan Supercrew with Rouge Sang, and that was off their album Enfant Soldat d'ici et d'ailleurs.

Madelon. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son berceau, dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Puis vint l'âge d'être écolière, d'apprendre à compter, d'apprendre à parler, que ça l'ennuyait. Mais faire l'école buissonnière, ça, ça l'amusait. Toujours gaie comme un pinson, elle chantait sa chanson. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Mais un matin, ce fut la guerre et tous les soldats qui passaient par là se disaient tout bas, la voyant si belle et si fière, à qu'on serait bien blottie dans ses bras douillettement jusqu'au matin. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years. Hinky pinky, parlez-vous. Quand on raconte cette histoire dans tous les pays, on ajoute aussi qu'elle eut un mari. Les gens qui ont bonne mémoire vont vous raconter qu'elle accepta d'épouser un colonel anglais. Mademoiselle from Armentières, voulez-vous? Mademoiselle from Armentières, voulez-vous? Comme elle lui répondit oui, elle eut un très gentil mari. Mademoiselle from Armentières. Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years. Hinky pinky, parlez-vous. All right. Hinky pinky, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières. So that's Armentières is a commune in the Nord Pas-de-Calais, north of France area where the battles were fought in World War I. We're just making so laughing about the hot. These both of these songs are about beautiful women, sort of for the servicemen or who they're going towards. That was Line Renaud with Mademoiselle from Armentières. And before that, that Comme Madelon. And that was a song about a sort of streetwalker. What else to do? Perhaps not that bad. Maybe just La Belle de Nuit. She was a beautiful lady of the night. And she didn't have much. The worst thing that she did was laugh really hard. And she wasn't mean at all. And just very nice and pleasant. And when she'd tell her stories, they were in her style of telling her delightful stories. So we all want pleasant things like that during a war time. So I was just thinking about what I would look up as far as World War. I was thinking Betty Grable was like World War II. Oh, yeah. She was the great pinup. So who do we have? Maybe Miss Dunguette, or who was World War I type of pinups do we have in that era? Mata Hari. Mata Hari was like she wasn't a pinup. She was more of a spy. Yeah, well, she was a performer, spy killed by execution squad. Mm-hmm. In Paris, but I don't know who else were the big stars of that era. Lillian Gish? Or wait, who do we have as stars of the screen? I don't know if Marlene Dietrich was around for the First War. She's better known, I think, for the Second War, but Est-ce que tu as une chanson de... Oui. Nous allons, ça s'appelle... Comment ça s'appelle, Lily... Lily Marlene. Oui, de Marlene Dietrich. Is it Dietrich or Dietrich? Marlene ben, Dietrich. En français, c'est Dietrich. Ah. Et en allemand, c'est... Ah ben, je ne sais pas, mais en anglais, Dietrich. Dietrich. Here we go. Je ne suis pas très sûre en allemand. We'll continue with, in I think, the same vein of songs, Lily Marlene. D'accord. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene, mit dir, Lily Marlene. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene, mit dir, Lily Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene. Mit dir, Lily Marlene. All right, we just heard Marlene Dietrich with Lily Marlene, and we were discussing how that's a World War II song when it was popular, but in actuality, it was a poem written in 1915 during World War I under the English title for it was The Song of a Young Soldier on Watch, and first recorded 1937 by Lael Anderson in 1939 under the title Das Mädchen unter der Lantern, The Girl Under the Lantern. Here, I'm going to let someone who's not going to butcher the German language. Well, I think I would too. What was it? It was Das Lied eines jungen Soldaten auf der Wacht. The Girl Under the Lantern, yeah. Right. Well, the English words go underneath the lamplight. Oh, okay. Lily Marlene. Mm-hmm. So. She was a very interesting person who we were just talking about. And you did hear a German there. That was not French, of course. We took a slight detour to recognize our Miss to Stay, the treaty made by. We'd like to hear a little bit of that, too. Any more Il y a encore des chansons de la Première Guerre ou on continue avec les chansons qu'on a choisies? Pour la soirée, we could just continue with our regular chanson. How about we go into our next song, and in the meantime, we will do our calling. Anybody who would like to call in to win a $10. We have to do a station break here coming up, so. Okay, so right after the station break, once the music starts playing, you can call the studio line to win the $10 gift certificate to La Belle Crêpe. And the number 612-341-0980. But wait until the music starts. Uh-huh. And in the meantime, we could just play a nice song about Paris. Or what do you feel like? Should we go away from the war or should we? Oui. On peut continuer? Mm-hmm. Okay. On va changer. Let's go with a little bit of music from Paris to just turn a little bit. Okay. Well, first of all, we'll tell you you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. And the time? Il est 21h moins 30 secondes. Et à Paris? Ah, il est 4h du matin. Oui, 4 o'clock in the morning in Paris time, I believe. You're listening to Bonjour Minnesota, and my name is Dana. Et moi, je suis Caril. And we present a French radio hour. We've been covering Armistice Day with our last songs, and now I think we'll be just switching it up and playing a whole bunch of variety of French music. Oui. Qu'est-ce que tu as là, Dana? Une chanson qui s'appelle Les Nuits Parisiennes from Louise Attaque, pour commencer. D'accord. Je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener au saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui, ou bien tout ça si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belassiennes. Je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées balassiennes. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées balassiennes. Depuis le temps lancinant de ma vie parisienne depuis le temps que j'entends cet appel éperdu mugir en plein midi. Mais l'entends-tu aussi, capitaine? We just heard Louise Attaque with Les Soirées Parisiennes. And after that, we had Delphine Volange with the song Sirène, which is like mermaids. Oui. Right. And making reference to parties in Paris as well. And we want to shout out to Layla. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Elle a gagné the gift certificate for the crêpes. Oui, c'est à la crêperie. Ça s'appelle la crêpe. Ou la belle crêpe. La belle crêpe. C'est sur Nicolette, en downtown. Oui, au centre. Centre-ville, Minneapolis. Oui, c'est ça. C'est sur le 900 quelque chose. Mm-hmm. À côté de Fauché Tower. Ah, d'accord. Très bien. Je pense qu'ils ferment avant 3 heures de l'après-midi, mais c'est très bien pour le déjeuner. si vous êtes en ville, j'adore mm-hmm. des fois. Quelle sorte de crêpes ont-ils, les gens La dernière fois, j'ai mangé une crêpe au saumon. Ah bon? Mm-hmm. Ah ben, c'est pas toujours des sucres, des sucrés. Non, c'est pas toujours sucré. Ah c'est des fois, il y avait des crêpes au jambon ouais. et aux champignons aussi. Ça change, je crois. Ce sont des crêpes bretonnes? Des fois, je pense. Ah oui? Oh non, peut-être pas. Les crêpes pas bretonnes sont trop plus épaisses. Je pense pas qu'ils c'est ont des crêpes au sarrasin. I don't think they have buckwheat crêpes, ouais. but they do have very good salty and all different kinds. Mm. We always are trying to add to our list of good French restaurants. So if you could bring it to our attention, if there's something we don't know about, you can always like our Facebook page, Bonjour Minnesota. We're almost to 100 fans. Ah, bravo. So we can let you know if we have an exciting show coming up, like tonight's Our Mistis Day. If you missed the show, tuned in late, you can always listen to the archives at kfai.org/Bonjour Minnesota. And we did have some annonce from the Alliance Française. Yes, a very important announcement about Give to the Max Day. Right. That's November 13th. The Alliance also is on their list, and KFAI is. We truly appreciate your gift. It's quite easy to do. All you have to do is go online and put in the address givemn.org. And it's already up. So if you wish to contribute already, we would love to have you contribute to KFAI. We know you like us. We'd love to hear from you. What's fantastic about KFAI is that we are able to have a two-hour radio French radio show each week. And this radio show isn't programmed by anyone. We no. come up with our playlist. If we want to take a detour into French surf rock from the 1960s, we could do that. I wanted to play some French death metal, but we thought that maybe we might just post that on the Facebook page, you know, about World War One armistice, cold, what do you call it, shell shock. But that will be on the Facebook page that I might post that. But we have that liberty, thankfully, with KFAI programming. And, of course, there's diverse community voices is what KFAI is all about. So we want to make sure that when you're giving to the max 2 days from now or just today, you can go ahead and bookmark or go ahead and earmark KFAI as one of your pet causes. And how does that work, Dana? Do you know, is it the organization that gets the most contributions is doubled, or there's a huge amount of money that we're eligible for, and I know we can certainly use it. Right. I think there's many corporations that give yes. or match the gifts, so I'm not quite sure how that works. I just know that the majority of the money we can take in this year will really be significant in the it next 2 days. Will. We just had our pledge drive. We did great, but we can do better. We still survive here and have 12 different language programming. We have people yes. from all over the world. If you look at the map that people have pinned, where they're from, it's just extraordinary. And we're able to provide it with everyone's help. And we're volunteers. I think people yes, forget we that. Are. We're volunteers too. So it's how do we contribute? How do we get the voices? What we're able to do is communicate things that are going on in the community. So I guess I will say that the French-American Chamber of Commerce wine dinner is coming up on November 21st. They want to let you know about that. It's going on at Minneapolis Photo Center. And I was just there. It's at 2400 North 2nd Street. Exactly. This was amazing. Well, yes, I went to a wonderful photo show there. Oh, what's it's a new space and a very strange. You don't think you're going into any place. It's kind of looks like factories and warehouses and this beautiful facility that had a wonderful photo show, exhibit, juried show this weekend. Oh, great. Very enjoyable. So if you're going there for the Franco-American Chamber of Commerce, don't think that you're going the wrong place, because, yes, you are in the right place. It's an old, funny-looking building on the outside, but inside it's absolutely beautiful and fixed up very nicely. Very good to know. I know that there'll be a lot of wine, great food tasting, entertainment as well with all of the photo exhibit. So be sure to check that out for the Franco-American Chamber of Commerce. And then there's also some exciting events taking place at the Alliance Française. Yes. Here's an announcement. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Here's some announcements from what's going on in the Twin Cities. At the Edina Cinema, there's a very interesting movie which must end Thursday, November 13th. It's called Diplomacy, and it's about, well, let me tell you what they say in the blurb here. As the Allies march toward Paris in the summer of 1944, Hitler gives orders that the French capital should not fall into any enemy hands, or if it does, then only as a field of rubble. This is true. The person that was to carry this out was the Wehrmacht commander of Paris, General Dietrich von Choltitz, played by Niels Arstrup. And he has mines already planted all over the Eiffel Tower at this time, in the Louvre, in Notre Dame, and on the bridges over the Seine. However, on the dawn of the 25th of August, Swedish Consul General Raoul Nordling, played by André Dussolier, steals into German headquarters through a secret tunnel and starts a tension-filled game of cat and mouse. Now, I don't know if this is true about Nordling or not, but it makes for a fascinating story, and you know the outcome. Paris was not burning, as Hitler asked. We have Choltitz, I believe, to thank for that. Other things going on? Give to the Max Day, November 13th. You simply put on your computer, givemn.org, and write in the name of the organization you wish to give to. For the Alliance, it's Alliance Française. For KFAI, just put in either KFAI, Fresh Air Radio, either one. This is would be greatly appreciated by both organizations, I'm sure. Right now, meeting at the pub, Brits Pub, is the Armistice Day commemoration. And they're going to do all kinds of things. I think I went to this before, and they have a bagpiper come in, and it's wonderful. On Thursday, the 13th, from 6 to 7:30, Apéro en Français at the University Club of St. Paul. Join the Alliance Française members in an elegant member bar at the U Club for conversation et un verre de vin. Téléconférence avec Dominique de Villepin, former Prime Minister, I believe he was. The Art of Intervention, Diplomacy, and Deployment After Iraq. That's going to be Friday, 11/14, the 14th of November at 5:30 p.m. at the Alliance. On large screen, I think it will probably be interactive. Incredible. Teleconference. Yes, I know teleconference, mm-hmm. Yes. I know they have that capacity. I haven't seen one. This would be a great one to see. Friday, the 14th, again at 7 p.m., Ciné Club, the movie in French with English subtitles, Les Beaux Jours. Saturday, 11:15 from 2:30 to 3:30. Lecture facile, easy reading book club of La Fosse Suivante. Thursday from 11:20 from 5 to 7. Oh, hooray, Beaujolais Nouveau with the young group at Le Town Talk. Ah, Les Jeunes Cadres Dynamiques. So Les Jeunes Cadres Dynamiques at Le Town Talk. The young business. Yeah, it is on Lake Street by 26. Oh, is that new French diner? Yeah. We're going to have to see if we can get that We're going to have to go visit there. Yeah, yes, that would be will. Great. Saturday on the 22nd from 11 to noon, Visite Guidée en Français at the Minneapolis Institute of Art on the Italian style. It's reserved for members of the Alliance Française, and there is a charge, and you need to reserve because there's limited places. So this will be in French. This is about modern Italian style post-war, so all those beautiful clothing and so on. Versace and Dolce Gabbana. Saturday, 11:29 at 7:30, Soirée Forêt with Jim Riley. We'll tell you more about that. Jim is a highly accomplished vocalist and pianist. All kinds of classes coming up. Pronunciation, parts 1 and 2, depending on your level. The mini sessions at December 1st through the 20th. Review classes, 2 hours once a week for 3 weeks. Practice in a conversation class. Focus on a topic, which will include singing a song, Chantons l'hiver. Practice for beginners, Les îles en fête. Perfectionner l'expression écrite, written language. And for, this is a good one for teachers, spend a day en français in the workshop, Les marchés de Noël, Subjonctif et conditionnel, La bûche de Noël, and Les temps du passé. Or for anyone for that way, I'd like to take La bûche de Noël. Oh, have you ever yeah. made my, the Christmas Yule cake? My ex-husband, Christoph, is a master. He makes an wonderful one. Oh, it's so beautiful. You know how they put the powdered sugar on it? Yeah. It just, it's a glorified Swiss roll. Come on. We can talk about the beautiful inside secret. I always like the little meringue mushrooms and the little, I don't know what they were, little elves on the oh, those are so that you find at the bakery. Oh, maybe they're marzipan. Marzipan pots. Yeah, yeah. Well, you can learn that at a one-day workshop at the Alliance Française. Oh, so lucky. Call the Alliance at 612-332-0436. The Walker Cinema has a couple of interesting French films. There's a special rate for Alliance Française members. There's Petit Quinquin will be, that's by Godard, I believe. No, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, the Nouvelle Vague filmmaker. Petit Quinquin is a heartfelt comedy set in rural France, touches on the complicated issues of immigration, racism, family rivalries, and jealousy. And that is at the Walker Cinema, November 17th at 7, Saturday, 11:16, the 16th of the month, at 2 and 7, and then Friday, the 21st at 7, and Saturday, the 22nd, at 2 and 7. For those of you who would like to have services for the consulates, Permanence Consulaire, the 13th of November, 13 novembre, deux représentants du Consulat Général de France à Chicago tiendront une permanence consulaire dans les locaux de l'Alliance Française jeudi le 13 novembre. Horaire de la permanence, 8h à 13h et de 15h à 18h. You can, the French people can go there for asking for a passport for a child, or less than 12 anyway, a carte d'identité, inscription, renouvellement d'inscription, renouvellement et inscription sur la liste électorale consulaire, transcription d'un acte d'état civil, procuration de vote. So all legal things for French citizens. Voting registration for the French country. Yes. Right. So that what date is that? That is the 13th of November. Your children are eligible. Yeah, they are. They could have French passports if I don't know about dual nationality, perhaps. When they're 18, I think they have to they decide. Choose. But currently, they're on the consulate list of registered French citizens. There is also a test being given at the Alliance called the DELF. It's a diplôme d'études en langue française. It's an official qualification to certify French language competency for non-native French speakers. It's valid for life. The registration for November testing runs through the end of November for both. Oh, you have to register first. Until the end of November, you have that. And the testing will be December. It's both children and adults. Oh. What is the name of that test? It's called the Le DELF. Uh-huh. Diplôme d'études en langue française. And, Saturday, November 15th at 11, ISE. Now, I don't know, a parent-student trip to Tours, France. ISE, I don't know what that is, International Student Group. It's going to go to Tours, France, and they're having an informational meeting held at the Mills Room in the Minnetonka Community Center. Saturday, November 15th at 7:30, Alliance Française members are invited to a fundraiser for the Silogo Foundation. Learn about their mission to improve education for students in Congo, Zambia, and there will be wine and hors d'oeuvres served in a silent auction. Contact Jimmy for more information. I don't know if Jimmy is at the Alliance or what. They don't give his number here, but if you called the Alliance, I'm sure you would find out more about that. And as Dana said to you, the Franco-American Chamber of Commerce has a fête de vin, Beaujolais Nouveau and Beyond, a fundraiser dinner with live auction at the Minneapolis Photo Center, 2400 North 2nd Street. Aren't you impressed I remember that so well? Very well. And that's about, oh. Did they include the website address on there for the Franco-American Chamber of Commerce on the no, details they don't. There? Do you have it? I'll give it out after our next song. Okay. I think it's time for a song here. I do too. I think it would be great if we could hear something more Encore de Paris, something more Parisian. Mais oui. Bon, si. Place Pigalle. Place Pigalle, d'accord, avec Maurice Chevalier. Pourquoi pas? Et ouais. Ça va être suivi par Edith Piaf, Pas d'âme. J'ai pérégriné sur la map monde, j'ai vu tout et tout. J'ai connu des brunes, des blondes, un petit peu partout. Mais pourquoi tenter de longs voyages et se déranger quand les fleurs de ces rivages peuvent se respirer? Place Pigalle, Place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour patifoler. Place Pigalle, Place Pigalle. Vous verrez papillonner tous les genres de beauté, de nationalité, brunes espagnoles, jolies yankees, belles créoles. Blondeur déborde la Tamise, Place Pigalle,

j'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit kfai.org. The KFAI Fall Record Sale is Friday, November 21st, to Sunday, November 23rd, at the Midwest Mountaineering Outdoor Adventure Expo. Just take those old records off the shelf and donate them. KFAI is also accepting donations of CDs and LPs of all genres for the record sale through Wednesday, November 19th. All donations can be dropped off at the KFAI station, 1808 Riverside Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55454, Monday to Friday, 10 a.m. to 6 p.m. Il a donné son dernier cours, les derniers mots du dernier jour. Puis l'heure a sonné dans la cour, son sortilège. Ses 40 ans ont passé vite, aujourd'hui le voilà qui quitte le collège. Eh bien voilà les enfants, c'est l'heure. C'est mon heure, je m'en vais. On se reverra peut-être de loin en loin, qui sait. En tout cas, bonne chance à vous tous. Bernard, est-ce que tu peux essuyer le tableau, s'il te plaît? Il faut toujours laisser les choses en ordre. Au revoir, les enfants. Il est tard. Il est temps. Mon regard vous suivra longtemps. Au revoir, les enfants. Il reste devant ses élèves, et l'un après l'autre se lève, et cette minute est comme un rêve qu'il veut garder. Il se dirige vers la porte en souriant pour faire en sorte de ne pas pleurer. Au revoir Jean, au revoir Paul, au revoir Ahmed, au revoir Nicolas. Et toi Rodolphe, t'en fais pas, accroche-toi, tu vas y arriver. Tu y arriveras, c'est sûr. Allez, pleure pas Rodolphe, tu verras, je vais en parler à mon remplaçant. Il t'aidera lui aussi, il est très sympa. Allez, au revoir les enfants. Au revoir, les enfants. Mon regard vous suivra longtemps. Au revoir, les enfants. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Hello, c'était... Well, we have a couple of them, two nouns, back nouns. You heard Pierre Bachelet and Pierre Sangfuyu. Au revoir, professeur, from a film from a few years back by the same name. Charming film and a sweet song. Then we heard another song concerning war. That was Yves Montand with a poem, and the song was Le Dormeur Duval. And as you said in the lyrics. Yes, he said this soldier lying on the hill, and it was so peaceful. And he had his hand on his chest. And then at the very end, he said, and he has two red holes on the right side. So, to continue with our Armistice Day World War One celebration show, we had to get the Yves Montand in there, and before that, Pierre Bachelet. And before that, we had Edith Piaf, Padam, and Maurice Chevalier, Place Pigalle. Should we continue with some more Pierre Bachelet? Oui, enfin, c'est... J'ai envie de toi. Here we go. Si l'on parlait de nous, les enfants sont partis. On n'a pas vu passer les vieux. Toutes ces dernières années, on n'a pas eu le temps. Mais le temps nous a eu souvent. À vivre au coude à coude, on perd le cœur à cœur. Peu à peu, on oublie le meilleur. Mais ce soir, je te regarde, je nous vois tous deux. Et j'aimerais qu'on se retrouve heureux. J'ai toujours envie de toi, de la musique de tes bras. J'ai toujours envie encore de la musique de ton corps. J'ai besoin encore toujours de la musique de l'amour. J'ai envie de voir le bleu de la musique de tes yeux. J'ai besoin encore toujours de la musique de l'amour. J'ai besoin, si tu le veux, de la musique de tes yeux. Je voudrais qu'on imagine des scénarios d'amour où l'on ne se quitterait plus d'un jour. Je voudrais prendre ta main quand le film te fait peur. Entendre battre enfin ton cœur. Je voudrais qu'on prenne un train, qu'on parte pour Florence. Je voudrais qu'une autre vie commence. Qu'on fasse nos valises ou n'importe quoi. Mais surtout que tu me dises tout bas, j'ai toujours envie de toi, de la musique de tes bras. J'ai toujours envie encore de la musique de ton corps. J'ai besoin encore toujours de la musique de l'amour. J'ai besoin de voir le bleu de la musique de tes yeux. J'ai besoin encore toujours de la musique de l'amour. J'ai besoin, si tu le veux, de la musique de tes yeux. KFAI is supported by the internet professionals of IP House. IP House is a Minnesota-based provider delivering internet hosting to the world, one website at a time. Answers to your internet problems from the friendly geeks at IP House. More info online at iphouse.com. Oh.